Chapitre 10e. Mendès le Mexicain. Comme le vent, les coursiers des deux amis volaient sur le sol. Madge Dennison n'avait pas exagéré les capacités de Fernel, et Buffalo Bill montait un grand Mustang gris d'argile, puissamment charpenté, avec des poumons semblables à une machine à vapeur et des muscles d'acier. Les cavaliers, de leur côté, savaient les maintenir presque à leur maximum de vitesse, sans pour cela gaspiller ou épuiser leurs forces. Les milles succédaient aux milles derrière les sabots de ces bonnes bêtes. Enfin, le rancho des Dennison apparut devant les deux hommes. Il apparut devant eux, mais non pas comme il était quelques heures auparavant, ces jours souriants d'une famille paisible et, selon toute vraisemblance, heureuse. Ils venaient à peine de quitter Carter Brand lorsqu'ils avaient aperçu une grande lueur dans l'air de la nuit. Ils firent halte à un quart de mille de l'habitation et examinèrent soigneusement les alentours que les flammes de l'incendie éclairaient presque comme le plein jour. Juste ciel! Ce feu servira de phare à tous les colons de la vallée du Brazos. Il doit déjà y avoir 50 hommes en selle pour repousser ou poursuivre les démons. Oui, mais ils savent leur affaire, répondit Bill Cody. Ou bien la bande est assez forte pour risquer le combat, ou ils se sont égayés pour passer inaperçus au nez des gars du Brazos. Les hommes qui voient cet embrasement ont des femmes, des petits et du bétail à parquer. Il leur faudra jusqu'au matin pour faire rentrer tout cela. Alors seulement ils sauront où ils en sont et se mettront chaudement sur la piste. Mais combien de temps leur faudra-t-il pour attraper une troupe de Comanches en route avec 5 heures d'avance pour les territoires indiens? Allons, alors, car avec Buffalo Bill à mes côtés, je suis capable de tenir tête à toute la bande. Mais d'abord, voyons les traces que nous pouvons trouver autour de la maison. Assurément, il y en a eu d'épargnés dans cette boucherie. Ils ne trouvèrent pourtant point signe d'être vivants autour de l'hacienda. Le feu durait depuis 1 heure au moins et les sauvages avaient disparu. Hal Duncan avait déjà été témoin 12 de fois de scènes pareilles. Ce n'en était pas moins pour lui un spectacle particulièrement terrible, car il lui disait les épouvantables dangers que courait une personne qui lui était proche et chère entre toutes. Il se jeta à bas de son cheval et fit attentivement le tour de l'énorme brasier. Le juge Dennison était un homme prospère et sa maisonnée considérable. Outre les pâtres qui s'étaient lancés après Ralph Duncan, il y avait sur le rancho 12 d'hommes, de femmes et d'enfants, sinon plus. Ils avaient été pris à l'improviste, tirés dehors et pour la plupart barbarement massacrés. Ralph Duncan trébuchait de place en place contre un cadavre scalpé et plus ou moins mutilé. Même, ne les eût-il pas connus, cette vue aurait éveillé en son cœur un farouche besoin de vengeance. Mais à l'idée que Madge Dennison et sa mère adoptive étaient aux mains de pareils démons, il avait peine à rester maître de lui. Quoiqu'il examinât chaque corps de près, il ne trouva point trace de Dennison et ne douta pas que son corps ne fût resté dans l'hacienda où ses ossements devaient se calciner parmi cet immense tas de charbon ardent. Ciel, si Damon Reeves a contribué peu ou prou à préparer cette besogne de démon, il mérite de mourir de la mort d'un chien, et c'est ce qu'il attend. Et d'abord, je fais serment de porter aide à Madge. Ensuite, si je suis encore en vie, de lui donner la chasse, à lui, sans relâche ni trêve. Si je meurs, et que vous, monsieur, vous surviviez, je vous laisse ce coup à tirer auquel j'ai droit. Maintenant, sur la piste. Il sauta en selle et partit comme le vent, laissant dans cette première fougue le Mustang gris d'argile loin en arrière et suivant le sentier qui va vers le nord-ouest. Buffalo Bill avait été sur le point de bondir derrière lui dans la même course folle, car lui aussi était ému d'un farouche appétit de vengeance et du désir d'en découdre avec ses coupe-jarrets de Comanche, mais il n'était pas assez emballé pour ne pas remarquer quelque chose qu'il supposait bien que son jeune ami remarquerait aussi. Il n'était pas les seuls que l'incendie eût attiré là. Du moins en semblait-il ainsi, car dans un silence de mort, mais à toute vitesse, un groupe parti de cavaliers pressait leur Mustang à travers la plaine, les yeux fixés sur les flammes, les armes en main. À la vérité, dans l'ombre rendue plus intense par l'incendie qu'il avait derrière lui, Buffalo Bill pouvait à peine distinguer ses figures en mouvement, et il ne les aurait probablement pas aperçues si le bruit des sabots des chevaux ne l'avait averti de leur approche. Mais cette vague vision de forme fantomale était plus qu'il n'en fallait pour le mettre sur ses gardes. Ralph Duncan n'avait évidemment rien vu. Il essaya de l'avertir en le hélant d'abord, en donnant ensuite un coup de sifflet juste assez haut pour qu'il pût l'entendre. Mais Ralph ne s'en inquiéta pas. Dans sa hâte de fuir l'affreux spectacle et de dévorer la distance qui le séparait des ravisseurs, il tomba comme la foudre en plein sur la troupe des fantômes qui s'ouvrit devant lui pour se refermer comme un mur vivant. deux hommes vigoureux s'élancèrent à sa bride et, après une courte lutte, renversèrent Fernel sur les hanches, tandis que deux ou trois pistolets étaient braqués sur lui à bout portant. Encore n'était-il pas tout à fait prisonnier. Ses deux revolvers étaient sortis, mais il les tenait le long de lui, les canons baissés, car il avait cru que c'était un parti de colons ou de pâtres venant apporter du secours, et c'est au dernier moment seulement qu'il comprit qu'il avait donné la tête la première dans une trappe, laquelle n'avait peut-être pas été tendue à son intention, mais avait tout l'air de l'avoir bien pris. Ses yeux ardents se portaient vainement autour de lui, scrutant tous les visages pour y découvrir des traits connus, quand enfin ils s'arrêtèrent sur une face sombre et repoussante qu'il ne put voir sans tressaillir. C'était le Mexicain allié de Damon Reeves. Si je ne me trompe, c'est la bande d'El Culebra, de ce roi des bandits, toujours assoiffé de sang qu'on appelle le serpent. Si c'est votre travail, l'incendie là-bas, pourquoi vous attardez autour lorsqu'il y a d'autres victimes à faire ailleurs? Si ce n'est que celui de vos sauvages alliés, prenez garde qu'ils retiennent hors de votre atteinte le butin que vous convoitez pour votre maître. Madge Dennison. Il y a 20 chances contre une, je vous le dis, que la besogne de ce soir soit punie. En parlant, Ralph regardait le Mexicain, qui portait en écharpe sa main brandée, et pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi les yeux dans les yeux. Ralph ne levait point les mains, car il savait que ce geste attirait sur lui une volée de balles, et les bandits attendaient les ordres du Mexicain qui paraissait avoir le commandement. Celui-ci semblait à peine faire attention aux paroles du jeune homme. Il avait ôté son sombrero et le regardait longuement dans la direction de l'emplacement où s'est élevée l'hacienda, en même temps qu'il paraissait écouter de manière à saisir le plus léger bruit de vie en mouvement sur la plaine. Apparemment satisfait du résultat de son observation, l'homme ramena lentement son regard vers Ralph, qui put, même dans cette obscurité, saisir l'éclair de haine et de vengeance que dardaient ses yeux luisants. « Boy, de tous ceux qui ont marqué Madness le Mexicain, il n'y a que vous seul de vivant. Je porte votre marque sur ma main. Ne craignez pas que je ne me venge pas. Il s'agissait de ma vie ou de la vôtre. Vous tenez la dragée prête, moi j'ai tiré le premier. Si vous profitez de votre avantage présent comme un lâche et que vous me tombiez dessus avec toute votre bande, je mourrai, ça se peut. Mais jusqu'au dernier souffle, je ne fléchirai pas. Que vous soyez Mendes ou même celui qu'on redoute et déteste sous le nom de El Culebra, je ne vous en défie pas moins. Ce n'est pas une balle qui mettra fin à votre vie, non. Non, je prendrai des moyens plus doux que cela. Haché, écartelé, percé d'éclats de bois, cloué sur une croix, votre corps informe rendra le dernier soupir sans être capable d'implorer cette merci que Mendes ignore. Tenez-le sous vos revolvers, vous deux, pendant que d'autres l'attacheront. Ensuite, en route.